Tour de passe-passe de mon papa, tous les cache-cache et les trap-trap, super cascade dans la cour et les goûters que l'on partage, les sourires de serait, chocolat chaud et collation, les paquets mystérieux à Noël sous les décorations. Pupille qui scintille face à un coucher de soleil, papy qui frétille grâce à une bouchée de groseille, magie monumentale, étoile dans le ciel, tartine alimentale, les doigts dans le miel. Caressant les ongles de maman, creux de ses berceuses, naissait mes songes où la douceur était précieuse, après des chamaillades et une paire de ricochets. Se dire qu'on s'aime avec ma sœur et se rabibocher. Sourire sur les lèvres, courir dans l'herbe avec derrière en l'air un cerf-volant rudimentaire. Se laisser bercer par le vent, par l'envie. Les lacets défaire, gare nouveau, rarement vide. La douceur maternelle, la grandeur paternelle, rien n'étant éternel, la candeur aterne, l'unité s'en est allée. Au gré d'un alizé, mère et père, mes repères divins se sont humanisés. Ce paradis me fut sauvagement arraché, car c'est de force que l'on m'a fait croquer. Les pommes, les fruits de la connaissance, jusque dans la trachée, en compote par un entonnoir comme le veut l'époque. Je sens que je perds ma naïveté dans des formalités, je penche vers la vanité dans ce décor balisé, compressé la rage aux dents, dans nos quadrillages complexés par l'importance qu'on donne à l'image, rêvant de contrôle des idées, de l'amour et de l'émotion, cherchant le bon rôle, décidé à s'entourer de dévotion. Plus rien n'est simple, parasités sont les rapports, lumière éteinte, l'obscurité m'effraie encore. Une idée par seconde, une boule d'énergie, sans tabou et sans honte. Je voulais être grand, devenir un super héros, mettre les vilains, les brigands derrière les barreaux. Papa, maman, ça y est, j'ai grandi. Je ne reconnais plus les gentils des bandits. J'ai troqué mes dents de lait contre des canines aiguisées. Mais n'ayez crainte maintenant, je sais les déguiser.